L'Amérique de Franz Kafka. Traduit et adapté par David Zane Meyrowitz. 10e et dernier épisode. Pourquoi vous acceptez de la marche et toi d'être malmené par cette femme? Parce que c'est elle notre propriétaire. Alors cherchez un autre logement. Impossible, Rosman. Pourquoi? Parce que Brunelda n'est pas transportable. Le chemin est encore long. Ah, c'est oui. Soyez la bienvenue dans l'entrepôt numéro 25, mademoiselle. Je la rentre dans l'entrepôt? Négatif. On s'en charge. Toi, tu disparais. Et je peux au moins faire mes adieux à mademoiselle? Négatif. Le théâtre d'Oklahoma. Karl Rossmann, 17 ans, allemand originaire de Prague en Bohême, émigrant malgré lui, arrive au bout de son périple malchanceux en Amérique. Rejeté par son riche oncle américain, laissé sans ressources au bord de la route, récupéré comme un Pinocchio perdu par deux bandits de petit calibre, engagé comme liftier dans un hôtel de luxe puis brutalement licencié, forcé de vivre une humiliante servitude chez la cantatrice obèse Brunelda, il est finalement abandonné à son sort, sans moyens, sans soutien, sans espoir. Jusqu'au jour où il voit une affiche dans la rue. Aujourd'hui, de 6h du matin jusqu'à minuit. Sur le champ de course de Clayton, on embauche du personnel pour le théâtre d'Oklahoma. Le Grand Théâtre d'Oklahoma fait appel à vous aujourd'hui et uniquement aujourd'hui. Si vous pensez à votre avenir, venez nous rejoindre. Une occasion à ne pas manquer. Si vous rêvez de devenir artiste, soyez les bienvenus. Nous engageons tout le monde. Chacun peut trouver sa place dans le théâtre d'Oklahoma. Mais venez vite, on ferme à minuit, après ce sera trop tard. Alors en route pour Clayton et le théâtre d'Oklahoma. Donc, Karl Rossmann, en route pour Clayton. Content? Plutôt content, Karl Rossmann. Oui, mais des affiches, tu en as vu un paquet. Que des mensonges, personne n'y croit plus. Et celle-ci semble encore plus farfelue que celle que tu regardes habituellement. J'ai envie d'y croire, Rossmann. Ce serait miraculeux si c'était vrai. Sois pas naïf, mon vieux. Est-ce que tu as remarqué que nulle part sur cette affiche, on ne parle de rémunération? Méfie-toi. Toutefois, il est marqué, si vous rêvez de devenir artiste, soyez le bienvenu. Nous engageons tout le monde. Tout ce qui s'est passé depuis mon arrivée en Amérique est maintenant oublié. Il n'y a plus personne pour me le reprocher. J'ai le droit de me présenter pour un travail. Je ne demande rien de plus. Dans mon cas, tout le monde, c'est Karl Rossmann. D'accord, mais tout le monde a le droit d'être payé pour son travail. Même un artiste. Dans la mesure, bien sûr, où on peut dire qu'un artiste travaille. Tout ce que je souhaite, c'est de trouver enfin un travail honnête et qui me plaise. Et si le Grand Théâtre d'Oklahoma ne se révèle être qu'un petit cirque itinérant? Qu'il m'embauche, c'est tout ce qui compte. En tout cas, ici, on ne lésine pas. Un champ de course avec un si long podium uniquement pour accueillir les candidats à l'embauche. Sans parler de l'accueil musical? Eh oui, Rossmann, mon vieux. Époustouflant. Des centaines de jeunes femmes en costume d'ange, avec d'énormes ailes en papier mâché, soufflant dans de longues trompettes en or. Et mesurant toutes au moins 2 mètres de haut. Non, elles sont debout sur des socles. Et si on s'approchait? C'est bien ici qu'on engage pour le théâtre d'Oklahoma? Un ange t'appelle. Viens par ici, Karl. Tu vas pas passer sans me dire bonjour quand même. Thérèse de l'hôtel occidental? Je t'ai vue tout de suite, dès que tu es sortie de la gare. J'ai pas pu t'appeler parce que je jouais de la trompette. Mais j'ai toutefois soufflé très fort pour attirer ton attention. Je peux faire un essai? Oui, mais pas trop fort. Si on nous repère, je risque d'être virée. Mais c'est un véritable instrument? Ce n'est pas un jouet comme je l'avais cru au premier abord? On peut en sortir de très jolies harmonies. Nothing but the best for the Great Theatre of Oklahoma. Tu as vraiment de la chance d'avoir trouvé un vrai travail, Thérèse. J'ai la chance d'avoir retrouvé Karl Rossmann après tout ce temps. Mais toi aussi, tu pourras trouver quelque chose au théâtre. Tu pourrais jouer de la trompette, comme moi. Ils prennent aussi des hommes pour ça? Bien sûr. Nous, les femmes, jouons pendant 2 heures avec nos costumes d'anges. Puis c'est le tour des hommes, habillés évidemment en diable. Une première moitié joue de la trompette, l'autre du tambour. Et il y a encore de la place? Bien sûr! C'est le plus grand théâtre du monde! Cela n'est peut-être que de la publicité mensongère. Pour tout dire, je ne l'ai pas encore vu moi-même. Mais celles de mes collègues qui ont déjà été à Oklahoma City disent qu'on n'en voit jamais la fin. C'est un théâtre qui existe déjà depuis longtemps et il embauche dans toutes les grandes villes d'Amérique. Tu vas voir, sur le champ de course, ils ont construit des bureaux pour accueillir les gens comme toi. Il y en a apparemment 200. Mais es-tu sûre que le théâtre d'Oklahoma a suffisamment de moyens financiers pour recruter tout ce monde ? Que nous importe, Carl ? Essaie de décrocher une situation dans cette troupe et reviens me voir après. Dis-toi bien que je t'attends avec impatience. Regarde, Rossmann. Là-bas, sur le quai de la gare, il y a du monde qui arrive. Pour la plupart, bouche bée devant les anges avec leurs trompettes. L'embauche va devenir plus compliquée pour toi avec tous ces candidats. Heureusement que nous sommes arrivés tôt. Je vous souhaite à tous la bienvenue ici, au champ de course de Clayton, au nom du théâtre d'Oklahoma, le plus grand, le plus beau théâtre du monde. Nous allons commencer bientôt à auditionner les candidats à l'embauche et je vous prie d'abord de préparer vos papiers d'identité. Rossmann, tu n'as pas de papier. Tu n'es pas en règle. Ne t'en fais pas. On peut contourner les règles. C'est l'Amérique. D'abord, il vous faudra nous préciser quel genre de profession vous avez exercé par le passé pour pouvoir vous placer correctement selon vos compétences. Quand même, c'est un théâtre, non ? Derrière chaque guichet de bookmaker, vous trouverez un bureau d'embauche lié à votre métier. Vous y allez avec vos documents et nous allons vous poser des questions concernant vos aptitudes. Mais rassurez-vous, tout le monde sera engagé, et cela littéralement sur le champ. Donc, commençons avec le premier bureau, celui des ingénieurs. Est-ce qu'il y a un ingénieur parmi vous ? Rossmann, lève ta main, bon sang. What ? Ah ! Un premier candidat pour le bureau des ingénieurs ? Le chef du personnel te regarde un peu étonné. Même si, par le passé, en Europe, tu as commencé des études d'ingénieur, tu as maintenant l'air d'un clochard dans tes habits de troisième classe, Rossmann. Tentons le coup quand même. Nous n'avons plus rien à perdre, Rossmann. Vos papiers, s'il vous plaît. Je ne les ai pas encore avec moi, désolé. Ne les a pas sur lui. Mais vous êtes bien ingénieur ? Pas encore. N'est pas encore ingénieur. Avez-vous quand même des compétences techniques ? À peine. Bien sûr. Vous n'êtes pas dans le bon bureau. Il vous faut aller dans le bureau pour les aspirants avec des compétences techniques. À côté. Si j'ai bien compris, monsieur, vous avez des compétences techniques ? J'en ai acquis certaines au lycée. Au lycée ? Mais alors, il vous faut passer au bureau pour les anciens lycéens ? Vous avez été mal dirigé. Quel lycée ? Ce n'était pas ici, c'était à Prague, en Bohême. C'est dans quel état ? Comment ça, quel état ? Lequel des 48 états ? Non, madame, la Bohême ne se trouve pas dans un état américain. La Bohême est en Europe. Donc il faut vous adresser au bureau pour les anciens... Laissez-moi deviner, au bureau pour les anciens lycéens européens ayant des compétences techniques ? 14e gauche. Le guichet de la dernière chance, Rossmann. Et c'est le chef du personnel lui-même qui t'accueille. Alors, jeune homme, dans aucun des autres bureaux où vous venez de vous présenter, vous n'avez pu fournir vos documents d'identité. Pour moi, en tant que chef du personnel, je considère cela comme étant de votre part une négligence inimaginable. Comment est-ce possible ? Je les ai oubliés. Chez vous ? Je n'ai pas de chez moi, monsieur. De pire en pire. Pas d'identité, pas d'adresse, pas de compétences. Laisse tomber, Rossmann. Donc... C'est foutu. Pas de travail ? Qui vous a dit ça ? Le théâtre d'Oklahoma engage tout le monde. Vous voulez dire que je suis engagé ? Quoi d'autre ? Avez-vous au moins un nom ? Un nom ? Ne lui dis pas comment tu t'appelles. Si jamais ils apprennent que Carl Rossmann s'est fait éjecter de son travail à l'hôtel occidental ou qu'il a été abandonné par son oncle Jacob, une fois que tu auras décroché le boulot et que tu donneras entière satisfaction, tu pourras divulguer ton nom, mais pas avant. Alors qu'est-ce que j'écris sur votre dossier ? Il y a une case imprimée avec le mot « nom ». Alors, votre nom ? Donne le surnom que tu portais dans tes derniers emplois, Rossmann. Négro ? Comment ? Négro ? Je m'appelle Négro. Négro ? Négro ? Je ne peux pas écrire sur la feuille « Négro ». Je n'ai rien de mieux à vous offrir. Bon. Dans ce cas-là, Negro, je vous annonce officiellement votre engagement dans le théâtre d'Oklahoma. Alléluia. Et maintenant, filez vite pour passer votre entretien avec le chef de l'équipe de recrutement. Allez. Le champ de course. Lieu mythique américain. Champ sans frontières qui couvre toute cette vaste superficie et va se perdre au loin, très loin dans la forêt. Tu n'as jamais vu une course de chevaux, Rossmann, mais tu en as souvent rêvé. Oui, souvent. Même dans mon enfance, Rossmann. Et je n'aurais jamais pu imaginer un champ de course sans le moindre cheval et rempli de candidats à l'embauche pour le théâtre d'Oklahoma. Les annonces sont faites exactement comme elles le sont pour un cheval gagnant. Alors, Negro, lycéen européen aux compétences techniques limitées. Enchanté, monsieur Negro. Je suis le chef de l'équipe de recrutement numéro 10 du théâtre d'Oklahoma. Pour faire plus court, quand vous vous adressez à moi, appelez-moi chef. Oui, monsieur. Chef. Alors, parlez-moi de votre dernier emploi stable. Le dernier seulement. Ah non, pas ça. Tu ne vas pas lui parler de Delamarche et de Brunelda. C'était dans un bureau. Chef. Étiez-vous content de ce travail? Non. Mauvaise réponse. Il risque de te demander pourquoi. Vous vous pensez compétent pour quel genre de poste? Mais je suis engagé comme acteur, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais est-ce que vous avez des facilités pour ce métier? Pour vous dire la vérité, je ne l'ai jamais essayé, donc je ne peux pas vous dire si je suis fait pour ça ou non. Mais je suis travailleur, et même comme acteur, je ferai tout ce qu'on me demandera. Je vois que vous vouliez devenir ingénieur. En Europe. Oui? Un vieux rêve. Mais est-ce que tu le souhaitais vraiment? Si tu étais resté à Prague, aurais-tu poursuivi tes études d'ingénieur? Pas sûr, Rossmann. Pour devenir ingénieur, il faut persister et prendre votre temps. En attendant, nous pourrions vous confier des tâches techniques, disons secondaires, au théâtre d'Oklahoma. En tout cas, je pourrais toujours commencer comme comédien, et après grimper l'échelle pour devenir ouvrier technique pour des tâches... Secondaires. Alors, monsieur Negro, l'entretien est terminé. Maintenant, allez vite sur le champ de course pour le repas d'accueil. Vous êtes déjà en retard. D'abord, je dois annoncer que je suis embauché à une amie qui travaille dans l'équipe des trompettistes. Trop tard pour ça. Tous les anges, ainsi que les diables, sont déjà partis faire du recrutement dans une autre ville. C'est bien ennuyeux. Vous la retrouverez à Oklahoma City. Maintenant, venez. Vous êtes le dernier. Eh bien, Rossmann, as-tu déjà vu pareille chose ? Des poulets titanesques à la chair croustillante, du vin servi à volonté par des employés. Une fête pour tes yeux. Oui. L'Amérique. Mais regarde qui est là, assis avec les autres. Tiens, Como. Mais, Rossmann, c'est toi? Comment va, fratello? Va bene? Je suis ravi de te voir. Mais tu es engagé toi aussi? Comme liftier. Liftier. Le théâtre d'Oklahoma a besoin de liftier. Il a besoin de tout le monde, toutes les compétences. Et l'hôtel occidental? Madame la chef cuisinière et tous les autres? Quelle nouvelle? Toujours là-bas. Tout le monde sauf moi. Et moi? Mesdames et messieurs, ici le chef du personnel à nouveau. J'espère que notre petit repas vous plaît. Nous aurions pu faire mieux. Au théâtre d'Oklahoma, on peut toujours faire mieux. Alors que ce moment serait propice à la digestion, j'ai le regret de vous annoncer qu'il faut quitter vos places tout de suite, car le train pour Oklahoma City va partir dans 5 minutes. C'est un assez long voyage pendant lequel nous prendrons soin de vous. Je vous prie maintenant de vous lever et de filer à toute vitesse à la gare. Le train va partir. Les passagers faisant partie du théâtre d'Oklahoma sont priés de monter dans la voiture numéro 25. Cette voiture est destinée exclusivement à l'usage du théâtre d'Oklahoma. Je répète, cette voiture est destinée exclusivement à l'usage du théâtre d'Oklahoma. Ceux qui sont engagés comme ingénieurs à l'arrière de la voiture, le personnel de la manutention à l'avant, les artistes peuvent chercher des places au hasard. S'il n'en reste plus, tu as remarqué, Giacomo? Personne ne porte de bagages. Je répète. Moi non plus, toi non plus. Les artistes peuvent chercher des places au hasard. S'il n'en reste plus, Les artistes sont priés. Regarde tous ces êtres humains bizarres, sans bagages, et rassemblés ici à la gare. Ils ne connaissent pas leur destination précise. Et en même temps, ils sont si bien pris en charge et bien soignés. Étrange. Autant que le responsable du transport qui aide gentiment les gens à monter, puis qui houspille les traînards en les poussant brutalement dans le train. N'importe. En voiture. Et les gens qui se trouvent par hasard à la gare et qui ne prennent pas le train. Qui regardent avec étonnement et se disent « Tout ce monde appartient au théâtre d'Oklahoma. » Ils ne sont là qu'en tant que témoins. Témoins de quoi ? Je me demande. Arrête de te poser autant de questions, Rossmann. C'est le théâtre d'Oklahoma, après tout. Andiamo ! Let's go ! Il roule durant 2 jours et 2 nuits. Le jeune émigré Karl Rossmann commence à saisir l'étendue de l'Amérique. Le premier jour, il longe une haute montagne. Des masses de pierres couleur bleu noir, avec de gros pics énormes qui touchent presque le train en marche et dont les voyageurs n'arrivent pas à voir les sommets depuis leurs fenêtres. Les larges torrents violents de la montagne affluent dans ce panorama, projetant d'énormes nuages d'écume. Les deux garçons étrangers regardent ces torrents rouler sous les ponts qu'emprunte le train. Et le souffle glacé de ses eaux fait trembler leur visage. L'Amérique de Franz Kafka. Traduit et adapté par David Zane Meyrowitz. 10e et dernier épisode. Avec Guillaume Marquet, Karl Rossmann, Laurent Cléry, le narrateur, Lynn Thibault, Thérèse, Clément Laguarde, Giacomo, Jean-Louis Greenfeld, le chef du personnel, Laurent Lederer, le chef du recrutement, Jacques Leplus, l'annonceur. Et Julien Aluguette, Cécile Arnaud, Myrène Astré, Sophie Bezard, Vincent Bramoulet, Richard Chevalier, Leslie Coudray, Françoise Cousin, Sophie Doll, Nicolas L., Daniel Krellenstein, Marc Léonian, Léo Reynaud, Yann Tassin, Othello Vilgar, Élodie Vincent, Valérie Vinci. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Sophie Bissans, Élodie Fiat. Équipe de réalisation, Claire Levasseur, Bastien Varigaud, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande.